Leçon 1. Activités 2 et 3. Page 14. Piste 6. Qu'est-ce que tu veux manger ? De la salade verte, s'il vous plaît. Et comme plat ? Tu choisis du poulet ou du poisson ? Je veux du poulet avec des frites, madame. Et toi ? De la salade de tomates, madame. Et comme plat, je veux du poisson avec des carottes.